touch a deep one for the end zone. Palin is down there. Oh, he got it! He got it! He got it! Touchdown! He did it! He did it! Here's a shot! Henderson made a wild stab toward Bell. Here's another shot right by the shore! Et c'est capté. Kylian Ferli file jusqu'à la zone des buts. Touché pour le rougeur. The ball is still loose as they get it to Rogers. Oh, the man is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going into the end zone. The Bears have won. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'inconduite de partie. Je suis votre hôte Nicolas Duchamp, Pierre-Luc Giroux avec moi en studio. Ça va bien Pierre-Luc? Ça va très bien toi? Pas trop, ah, pas pire, c'est froid ce matin hein? Très froid. Hein, c'est, je sais pas pour toi mais moi j'avais les oreilles qui bourdonnaient un peu en Ah, je m'étais bien habillé mon frère. Ah, un gars chaleureux. Ah ouais. Oh, c'est bon ça. Écoutez, vous savez, toutes les semaines, on vous dit, on vous le répète. Si vous voulez nous contacter en studio, n'hésitez pas. C'est le live, vacommercialinconduitedepartie.com. Cette semaine à l'émission, on reçoit Maxime Laramé, une colocawette des Patriotes, Patriotes hockey pour être précis, qui seront en action ce soir face aux Stingers de Concordia. On va s'informer sur leur performance depuis le retour des fêtes, comment ils entrevoient le match de ce soir, ainsi qu'on va parler un petit peu du nouveau programme de bourse pour les joueurs étudiants de l'UQTR. Mais en toute première partie d'émission, c'est le hockey junior des Cataractes qui prend toute la place avec Pierre-Luc qui va nous parler de tout ce qui s'est passé dans la Ligue de hockey junior du Québec. Mais tout d'abord, les actualités de la semaine. Chez les Patriotes, au hockey, l'équipe est en action pour deux matchs cette fin de semaine en Ontario. Ils allaient tout d'abord se rendre à Toronto pour affronter l'Université York. Eux qui trônent au sommet de la division Midwest de la Conférence de l'Ontario. Et en effet, ce ne fut pas très facile pour les Pats, mais ils ont tout de même réussi à l'emporter par la marque de 3-2 en tir de barrage. Le gardien Michael Dupont a joué les héros pour les Pats en stoppant 49 des 52 tirs des Lions. Il ne faut pas passer sous le silence la performance du gardien adverse Carlo DiRienzo, qui de son côté a fait face à 54 tirs. Ce fut donc une partie axée totalement sur l'attaque. Samedi, les Pats étaient à Oshawa pour affronter les Ridgebacks de l'Université of Ontario Institute of Technology, donc un peu la Polytechnique de l'Université de l'Ontario. Eux qui montent un dossier pas mal moins reluisant que celui des Lions de York, n'ayant enregistré que 4 gains en 20 parties. On pouvait donc s'attendre à ce que la troupe de Jacques Laporte justement domine les Ridgebacks. Qui fassent une seule bouchée d'eux. Mais malheureusement, ça ne fut pas tout à fait le cas, alors que les Pats ont connu un départ en deçà des attentes, et c'est les Ridgebacks qui ont pris l'avance. Toutefois, il ne fallait pas s'attendre à ce que les joueurs trifluviens abandonnent, et c'est pourquoi ils ont inscrit les 3 buts suivants, ramenant le pointage à 3-1 après les 2 premiers 20. Lors de la troisième période, UIT sont revenus à la charge, portant le pointage à 3-2, donc match très serré, comme on disait, mais à quelques minutes de la fin du match, ils ont décidé de retirer leur gardien, mais ce fut peine perdue alors que Jonathan Boutin est venu mettre le dernier clou dans le cercueil des Ridgebacks. Le défenseur André Joannis a contenu une excellente partie en enregistrant 2 points, tout comme le capitaine Mathieu Gravel et Jonathan Boutin, eux aussi 2 points. La victoire va à l'affiche de Jean-Christophe Blanchard. Malheureusement, les Patriotes ont vu Jean-Sébastien Breton tomber au combat lors de ce match, victime d'une blessure à l'épaule. On craint une longue absence pour lui, ce qui viendrait faire mal à la profondeur de l'UQTR, lui qui a une fiche de 1 point par match. Désolé. L'équipe accueillait aussi un nouveau joueur, alors qu'Alexandre Blais faisait son début avec la formation. Blais est un transfert de l'Université Saint-Francis Xavier, Donc, il n'a pas joué depuis un an, comme le règlement l'oblige pour tout joueur transférant d'une école à une autre. Il avait joué un total de 17 matchs avec San Francis, avec les X-Men de San Francis Xavier. Blais est un joueur de 5 pieds 5, mais costaud avec ses 170 livres. Il a enregistré 141 points en 199 matchs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, en plus d'enregistrer 167 minutes de pénalité. Il n'est donc pas le type de joueur à s'en laisser imposer. Grâce à ses 49 arrêts vendredi soir, Michael Dupont, qui est normalement le réserviste de Jean-Christophe Blanchard, est nommé joueur de la semaine. C'est donc dire que les Pats disposent d'un excellent duo de gardiens. L'équipe est toujours classée deuxième au Canada derrière les puissants Golden Bears de l'Alberta, eux qui ont remporté aussi leurs deux matchs de la fin de semaine. Les Pats ont toutefois obtenu un vote de première place. L'Université New Brunswick se classe au troisième rang, alors qu'aucune autre équipe québécoise fait partie du top 10 canadien. Au soccer, les hommes et les femmes débutaient leur saison de soccer intérieur, alors qu'ils étaient en action au centre Alphonse Desjardins face aux citadins de l'UQAM. Les hommes ont subi une gênante défaite de 6-0, se faisant tailler en pièces par l'attaque de l'UQAM, donc pas génial. Les femmes ont toutefois pas mal mieux performé que leurs compasses, alors qu'ils ont clairement mieux joué que les citadines, obtenant une dizaine de chances de marquer. Ils ont malheureusement subi la défaite 1-0, étant incapables de profiter de leur chance. C'est donc une défaite très difficile pour elles, mais on peut toutefois dire que la saison regarde très bien pour la troupe de Marie-Ève Nau. L'esprit d'équipe est à son summum, donc une place en série, je pense que c'est un objectif très, très, très réaliste pour eux. Ça va bien pour les Patriotes féminines. Mercredi dernier, l'UQTR et l'Association générale étudiante a annoncé un partenariat plus qu'intéressant pour les joueurs, dans le fond, pour les athlètes. Dorénavant, chaque étudiant pourra verser sur une base volontaire la somme de 3$ lors de son inscription à l'université, dans le fond, somme qui servira à la création de bourses pour les athlètes de l'UQTR. L'université, de son côté, promet de verser une somme équivalente à l'apport récolté par la GE. La somme qui a été récoltée par la GE auprès de ses membres. L'université garantit qu'elle versera un minimum de 15 000$ et contribuera jusqu'à un plafond de 50 000$ par année. Ce qui pourrait alors rendre disponible une somme de 100 000$ pour les bourses selon le degré de participation étudiant, et etc., etc. Donc, voici une excellente nouvelle pour les étudiants qui s'impliquent dans le sport et qui ont l'université à cœur. Au hockey junior, écoute, c'est toujours serré entre Drummondville et Shawinigan pour le championnat de la division TELUS Centre. Les Cataractes jouaient deux parties en fin de semaine. Vendredi soir, ils étaient à Gatineau pour affronter les Olympiques. Et on peut dire qu'ils l'ont échappé. Une défaite de 3-2 en prolongation. Nicolas Peterson et Alex Grant, le défenseur, ont récolté 2 points. Et samedi après-midi, on se rendait à Rimouski, donc de Gatineau à Rimouski, beau petit voyage. C'est une victoire des Cataractes 4-3, donc sur l'équipe qui va recevoir la Coupe Memorial cette année. Ça n'a pas vraiment été plus facile, comme vous pouvez le voir. Les meilleurs marqueurs ont été le nouveau venu Maxime Massenauer et Maxime Legault avec 2 points. C'est ce qui conclut les actualités dans le sport. Pour le hockey junior, je pense que Pierre-Luc, on va en entendre parler beaucoup dans pas très long. Oh ouais, on n'a pas fini d'en entendre parler. C'est ça qu'il faut, hein? On est là pour ça. Donc, on passe maintenant à musique avec un groupe qui, vous le savez sûrement, va être en spectacle très bientôt, ici même à l'UQTR, lundi prochain. Donc, on va y aller avec une pièce des Vulgaires Machins, tirée de leur album live presque sold out. Voici Anéantir Lockdown sur les ondes de C'est Fou 89.1. Alors, on semble avoir quelques difficultés, comme vous pouvez le voir, ça ne sera pas bien là. Pierre-Luc, ben vas-y, qu'est-ce qui s'est passé un peu là, l'hockey junior? On va y aller avec si la toune ne collabore pas. Donc, cette semaine, on va parler un peu des Cataractes, des Voltigeurs et des Tigres, bien sûr, comme d'habitude. Ensuite de ça, on va faire un petit portrait de ce qui devrait se passer normalement là, dans les séries éliminatoires en fin de saison, parce qu'on commence déjà à avoir un peu l'allure de qu'est-ce que va ressembler la première ronde. Donc, on va commencer à parler des Cataractes. Donc, les Cataractes ont quand même bien fait cette semaine, récoltant 3 points sur une possibilité de 4. Tout d'abord, vendredi, ils se rendaient à Gatineau pour y affronter les Olympiques. Le match s'est soldé par un verdict de 3-2 en prolongation pour Gatineau. Donc, les Cataractes ont quand même joué un bon match. Eux qui ont dominé dans les tirs par 43-20. dans la défaite. Nicolas Peterson a marqué deux buts des siens, dont un en avantage numérique. C'était la première défaite des Cataractes à leurs quatre derniers matchs. Donc, c'est sûr que ça, c'était une grosse défaite. Mais les Olympiques vont très, très bien, là, Nicolas, dans les temps qui courent. C'est une équipe qui a une fiche incroyable là, en deuxième moitié de saison. Donc, ça va être une équipe à surveiller, là, les Olympiques. Est-ce qu'il a été chercher des gros joueurs à la limite des échanges? Ou? Non, pas vraiment. Non? On est encore un club vendeur. Mais je pense que c'est Gatineau, c'est toujours une dynastie, là, les Olympiques. Ouais, ben oui. On risque toujours à se tailler des bons clubs. Là. Puis cette année encore, là, je pense qu'on va falloir faire attention à cette équipe-là en série éliminatoire. Je pense que Benoît Groulx a tellement construit un beau programme de hockey là-bas, donc c'est normal que ce soit la continuité de son enseignement. C'est en plein ça. Maintenant, les Cataractes aussi, comme on en a parlé plus tôt, dimanche, ils se rendaient à Rimouski pour y affronter les hôtes de la Coupe Memorial, l'Océanique. Le match avait pourtant mal commencé pour les Cataractes, eux qui tiraient de l'arrière par 2-0 en deuxième période. Mais les quatre se sont relevés pour finalement l'apporter par la marque de 4-3. Les marqueurs pour les quatre sont Tommy Tremblay, le nouveau venu Maxime Messenauer et Maxime Legault avec deux buts. Et le gardien Timo Pallmeyer a très bien fait dans la victoire, repoussant 32 des 35 tirs dirigés vers lui. Il a d'ailleurs été nommé la deuxième étoile du match. Les Cataractes, cette semaine, ont une semaine beaucoup plus tranquille, alors qu'ils auront une série aller-retour contre les Tigres de Victoriaville. Maintenant, les Voltigeurs, quant à eux, avaient une grosse fin de semaine, alors que tout d'abord, vendredi, ils se rendaient à Québec pour y affronter les Remparts dans un match très attendu entre les deux équipes. C'était de plus le dernier affrontement entre les deux équipes en saison régulière. Donc, il y avait beaucoup de monde pour le dernier affrontement entre les deux équipes cette saison, alors que 14 000 personnes se sont rendues au Colisée Pepsi pour encourager les siens. Et ça a porté fruit, alors que les Remparts ont remporté le match par la marque de 4-3. Les Remparts ont été dominants à 5-5, alors que les Voltigeurs ont marqué leurs 3 buts avec un homme en plus. Les marqueurs pour les Voltigeurs ont été Dimitri Koulikov, Chris DiDomenico et Danny Massé. Ce fut donc un match quand même très serré entre les deux équipes. Mais ce qui a vraiment fait la différence, c'est le jeu à 5-5 que les Remparts ont vraiment été dominants. Donc, c'est ce qui a permis, dans le fond, aux Remparts de devancer les Voltigeurs au deuxième rang du classement général de la LHJMQ. Question pour toi. Quand tu vois une foule de 14 000 personnes, est-ce que tu te dis que peut-être que Québec est dû pour une deuxième équipe? Est un marché non, assez grand? Non, on ne s'appelle pas Toronto qui veut une deuxième équipe de la Ligue nationale. Non, mais à Toronto, il y a, je pense, à peu près 5 équipes de Ligue d'hockey junior majeur du Québec. 4-5. Ouais. Si non, je pense que pas. Je pense qu'on juste une temps masse. Puis regarde, on va l'encourager comme du monde, puis il n'y a pas de problème. Parce que ça s'était parlé un moment donné de construire un aréna à Lévis, je pense. Ah, peut-être à Lévis, mais là, Lévis, c'est pas ben, Québec. C'est la région, je veux dire, c'est la région métropolitaine de Québec. Là, parce que si Lévis n'est pas Québec, quand vous sortez vos chiffres pour avoir une équipe de Ligue nationale, puis vous dites que vous êtes 750 000, c'est pas vraiment 750 000, là, si on compte pas Lévis, puis Stoneham. C'est tout ça, mais c'est pas. Ça veut pas dire que la LGMQ, ils visent quand même le même public. Parce qu'il faut que tu te dises que de l'autre côté de la Rive-Sud, c'est pas tout le monde qui va aller faire une demi-heure de char pour aller voir les Remparts. Tandis que si on aurait une équipe de la Ligue nationale, je pense qu'aller faire une demi-heure de char pour aller voir un match des pros, ben, il n'y aura pas de trouble. OK, je comprends. Fait que je pense que tout simplement, non, on va être correct avec les Remparts. On va juste souhaiter qu'on gagne d'autres Coupes Mémorial d'ici là, puis on verra après. Donc, ensuite de ça, les Voltigeurs, dans le fond, comme je vous ai dit, ont été devancés par les Remparts au deuxième rang. Ça bronze beaucoup là, dans les premiers rangs pour la course au premier rang du classement général. On a les Cataractes, on a les Remparts, on a les Voltigeurs, on a les Wildcats aussi de Moncton qui sont pas très loin. Lâche pas, hein, les autres, non, hein. Et les Screaming Eagles aussi qui gagnent là, extrêmement beaucoup dans les derniers temps. Donc, c'est une lutte affinée vraiment là, pour le premier rang. Maintenant, dimanche, les Voltigeurs se rendaient à leur tour à Gatineau pour y affronter les Olympiques, qui avaient justement battu, comme on l'a dit plus tôt, les Cataractes le vendredi. Et encore une fois, les Olympiques ont sorti un autre gros match, eux qui ont battu Drummondville par la marque de 3-2. Josh McQuaid et Alexandre Touchette ont été les joueurs marquants du match, récoltant chacun 2 points dans la victoire. Chez les Voltigeurs, les marqueurs ont été Mike Hoffman et Danny Massé. Les Voltigeurs ont marqué encore une fois en avantage numérique sur 4 occasions et c'est le nouveau venu Marco Cousineau, le gardien de 20 ans qui était devant les buts pour les Voltigeurs. va être un petit peu mieux que le gardien qu'il y avait présentement. Je pense que c'était leur vraiment leur gros point d'interrogation au niveau c'était des gardiens. C'était le gros point d'interrogation. On est allé chercher Cousineau, okay. Un gardien d'expérience là, dans la JMQ, en espérant, comme on l'a dit la semaine passée, là, qui essaie bien en série natoire, parce que Cousineau, malheureusement, en série natoire, c'est un choker, comme on dit. C'est bon. Hier soir, les Voltigeurs se rendaient à Lewiston pour y affronter les Maniacs qui n'avaient toujours pas perdu depuis l'arrivée de leur nouvel entraîneur-chef Don McAdam. Eux qui avaient remporté leurs deux parties de la fin de semaine dans leur voyage en Abitibi, à Val-d'Or et à Rouyn-Noranda. Mais les Voltigeurs étaient beaucoup trop forts pour les pauvres Maniacs, alors qu'ils l'ont facilement emporté par la marque de 4-1. Les marqueurs pour les Voltigeurs sont Yannick Riendeau, qui est le premier marqueur et premier buteur de la Ligue, Samson Mabod, Chris DiDomenico et Philippe Lefebvre. Les Voltigeurs n'ont pas été en danger de la partie, totalisant presque le double de tirs au but que leurs opposants. Drummondville n'auront pas beaucoup de temps pour se reposer puisqu'ils auront 3 matchs en 4 soirs cette semaine, alors qu'ils recevront le Junior de Montréal jeudi, puis ils prendront la route de Chicoutimi vendredi pour y affronter les Saguenayens. Et enfin, ils reviendront au Centre Marcel Dionne dimanche pour recevoir la visite des Tigres de Victoriaville, qui en ce moment, c'est l'équipe justement à laquelle elle serait confrontée en première ronde des séries, okay, si ça se terminera aujourd'hui. Okay. Maintenant, les Tigres, qui avaient seulement un match dans la fin de semaine alors qu'ils recevaient la visite de l'Océanique de Rimouski, les joueurs des Tigres ont bien répondu, remportant le match par la marque de 5-4, marquant le dernier but alors qu'il restait moins que 2 minutes au match. Les marqueurs pour les Tigres ont été David Clich avec 2 buts, Brandon Hines, Chad Earl et le but vainqueur par Maxime Tanguay. Les Tigres ont compté 2 buts en avantage numérique. Ils ont été dominants dans les tirs, eux qui ont eu dessus par 36-32 contre une grosse machine de hockey qui est l'Océanique. Donc, un très bon match là, pour les Tigres. Ça ne va vraiment pas bien aussi pour l'Océanique, eux qui ont une fiche de 2 victoires, 7 défaites, 1 défaite en prolongation dans les 10 derniers matchs. C'est supposé être une des équipes de l'heure en ce moment. Puis ça va vraiment pas bien là du côté de Rimouski. Il va falloir vraiment là, donner un petit boost de plus là, pour augmenter les victoires, parce que ça n'a même pas de bon sens. Les blessés commencent un petit peu à revenir. Ça commence à revenir, mais je veux dire, on dirait que le noyau, il est pas là. Non. Tout simplement. Puis c'est là vraiment qui fait la différence là, en ce moment dans le classement. Puis on s'entend-tu que c'est comme pas l'année pour avoir un mauvais noyau, là? Non, c'est comme pas l'année pour avoir des blessures, c'est comme pas l'année pour avoir un mauvais noyau, mais que veux-tu? C'est comme ça que ça va pour l'instant, mais la saison est pas finie. Écoute, non. On a encore le temps de prendre les bonnes choses en main. Au moins, sont bien coachés, fait que ça va les aider. Écoute, Pierre-Luc, on va aller à la musique, si on a un petit peu plus de compréhension de la part de notre musique, puis on te revient après ça, tout de suite, on continue la chronique de hockey junior majeur. Ils sont pas bien là, donc on retourne au vulgaire machin, si, comme je dis, on a de la compréhension. Don't culture, choisis l'allégeance absolue pour un code des actions. Question, choisis qu'une doctrine s'applique comme une balle. Pour me passer, il me consomme, disant qu'il se cultive dans la complaisance. Je reviens poussé par l'intolérance. Cette voix qui me résonne. Vraiment rien, c'est quoi ça, un tétracal? La connexion, c'est pas pour les humains, c'est pour les robots. CNX, l'émission la plus geek de la radio. Jeudi 11h ou lundi 10h, dès le 8 janvier. Tu es étudiant de l'UQTR et tu chantes sous la douche? Tu aimes tellement la danse que chaque soir ton bloc appartement en tremble? C'est le clown de ta gang. T'as des choses à exprimer et tu rêves de monter sur la scène? Va te faire voir! Sors de chez toi et viens t'exprimer à UQTR en spectacle. Pour sa 5e édition, UQTR en spectacle est de retour pour promouvoir les arts de la scène fait par et pour les étudiants. Ça te donne le goût de t'inscrire? Envoie ta candidature avant le 28 janvier en allant sur le www.univers-citéenspectacle.com, section UQTR en spectacle. Va te faire voir! Avis de recherche. Vous êtes un groupe de musiciens, on vous cherche. Le plus grand concours en Mauricie, les Mardis de la Relève du Gambrinus, est en pleine campagne d'inscription pour sa 12e édition. Plus de 10 000 $ en prix à gagner, dont des sessions d'enregistrement studio, diffusion radio et plusieurs autres prix. Les formulaires d'inscription sont disponibles au Gambrinus ainsi qu'à la station C'est Fou. Faites vite, le nombre de places est limité. Les Mardis de la Relève, un événement en production Joshua et C'est Fou 89.1. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. Bonjour, je m'appelle Jennifer Carroll, je suis étudiante en ressources humaines et je suis aussi membre de l'équipe de natation des Patriotes. Je vous invite à venir nous voir nager, patiner, courir après des ballons et frapper des balles de golf. On représente fièrement notre école, fait qu'on aimerait vous voir nous encourager. Soit de la partie, soit patriote. Vous êtes à C'est Fou 89.1 FM. Et c'est l'inconduite de... Désolé, c'est l'inconduite de partie qui est de retour. Donc, il est présentement 9h32. Pierre-Luc Giroux, Nicolas Duchamp derrière le micro. Pierre-Luc, on t'a très parlé des Tigres de Victoriaville? Oui, c'est ça. Donc, pas mal terminé. Ah, t'avais pas mal terminé. On a pas mal terminé. Bon, ben, on n'était plus en train de parler des Tigres de Victoriaville. Non, on est en train mais on va commencer à parler maintenant des séries éliminatoires parce que ça s'en vient, là. Les séries éliminatoires restent environ 25 matchs environ par équipe. Fait que c'est presque le deux tiers de la saison qui est déjà faite. Donc, on commence déjà à avoir un peu le portrait là, de quoi va ressembler la première ronde des séries. Donc, si on commence à regarder dans la section qui nous intéresse, qui est la section centre, le premier rang est loin d'être décidé entre les Cataractes et les Voltigeurs, alors que seulement 3 points séparent les deux équipes au classement. Mais les Voltigeurs ont 2 matchs en main. Donc, ensuite, les Maniacs sont à 2 points de ne pas faire les séries. Donc, l'équipe qui finira au premier rang, soit les Cats ou les Voltigeurs, pourrait commencer les séries contre soit une équipe des Maritimes, si les Houston ne réussissent pas à se classer. Quant aux pauvres Tigres, ils devront commencer contre soit les Cataractes ou les Voltigeurs en première ronde. Donc, ça sera pas de tout repos pour mal. Eux. Ça part mal des séries. Ça part mal, mais moi, je pense que les Tigres sont capables de vraiment causer une surprise en première ronde des séries avec des joueurs vedettes comme Brendan Hines et Andrew Nestrosil qui sont excellents dans les temps qui courent. Donc, on pourrait peut-être avoir une surprise là, avec les Tigres en première ronde des séries, soit battre les Cataractes ou les Voltigeurs. Pour le moment, c'est les Voltigeurs là, qui devraient affronter. Donc, en espérant là, qu'on a le droit à une bonne série là, pour la première série. Si on regarde dans la section S, c'est probablement la section où on sait déjà à quoi va ressembler la première ronde des séries, car les Remparts sont loin devant l'Océanique, ce qui les assure presque d'un championnat de section. À moins d'un revirement de situation, la première ronde des séries devrait opposer les Remparts au Drakkar de Baie-Comeau et l'Océanique au Saguenayen. Mais c'est pas encore tout à fait joué parce que le Drakkar en ce moment talonne les Saguenayens au classement. Et si ces derniers dépassent les Sags qui ont justement accumulé là, 7 défaites de suite dans les derniers matchs, eh bien, on aura droit encore une fois cette année à une série Remparts-Saguenayens. Bon. Ce qui serait encore une fois là, très, très bon là, pour le hockey junior. Pas de bataille cette année. On va essayer de ne pas avoir trop de batailles parce que ça passe une nouvelle, Michel Courchaine et tout. Ouais. Donc, je pense que ça serait pas pire quand même une autre série Remparts-Saguenayens, mais cette année, les Remparts là, ont vraiment un plus que les Saguenayens. Donc, ça serait vraiment une série un petit peu plus tranquille. Si on regarde dans la section ouest, c'est la section dans laquelle c'est le plus serré entre les équipes, alors que les Huskies sont au premier rang, mais avec seulement 1 point devant les Olympiques au classement, même si les Olympiques les ont battus hier soir. Gatineau va très bien dans les temps qui courent et qui ont battu les Voltigeurs et les Cataractes à la maison cette fin de semaine. Et en plus, qui ont battu les Huskies hier soir. Donc, ça va être une équipe à surveiller en série éliminatoire. Ils ont 10 victoires, 2 défaites, une défaite en prolongation dans leurs 13 derniers matchs. Donc, c'est quand même une fiche exceptionnelle là, pour eux. Et les juniors non plus n'est pas très loin derrière, avec 2 points derrière les Huskies et 1 point derrière les Olympiques. Donc, on est loin de connaître quel sera le classement final dans cette section. Mais c'est certain que le premier rang sera très important, car il permettra de jouer en première ronde contre une équipe plus faible, soit une équipe des Maritimes ou contre les Foreurs qui, eux, travaillent d'arrache-pied là, pour réussir à participer aux séries éliminatoires. Milieu de classement pour Montréal, est-ce que c'est un peu à ce qu'on s'y attendait? On s'attendait peut-être à plus un petit peu avec plus, Esposito hein? et tout. Jake Allen, tout ça. C'est décevant. Ouais. Ouais, vraiment décevant. Et du côté des Maritimes, les Wildcats devraient terminer au premier rang, malgré que les Screaming Eagles vont très bien aussi dans les derniers temps. Mais reste à savoir qui sera leur adversaire, car le classement est très serré entre le Titan et le Rocket. Les Screaming Eagles et les Sea Dogs devraient normalement s'affronter en première ronde s'il n'y a pas de revirement de situation. Donc, ça serait une série quand même très, très bonne entre ces deux équipes, puisque Cap-Breton ne perd pas souvent dans les derniers temps. Et Saint-Jean, ben on a quand même un bon noyau de joueurs qui pourrait aller loin. Même s'ils ont vendu pas mal de... Ils ont été plus vendeurs que d'autres choses, Saint-Jean. Ouais, c'est ça, mais Screaming Eagles non plus n'ont pas été un grand club acheteur pendant le temps des fêtes. Et les Mooseheads, quant à eux, ont beaucoup de chemin à faire s'ils veulent pas affronter une des meilleures équipes de la Ligue, qui pourrait être soit les Cataractes ou le premier rang dans la section Ouest, qui normalement serait les Olympiques de Gatineau. Si on regarde encore plus loin dans les séries éliminatoires, deuxième ronde des séries, l'Océanique qui a accumulé les défaites pendant le temps des fêtes et qui ne va pas beaucoup mieux, je te dirais dernièrement, terminerait au mieux au sixième rang du classement général, ce qui les opposerait dès la deuxième ronde à la troisième position de la Ligue. Donc, en ce moment, c'est exemple les Wildcats de Moncton. Donc, c'est sûr que rien n'est joué de ce côté. Mais donc, dès la deuxième ronde, là, deux des quatre meilleures équipes pourraient s'affronter avec l'Océanique là, là-dedans. Donc, déjà en deuxième ronde, là, on pourrait commencer à avoir du très, très bon hockey entre les équipes. Non. Maintenant, les joueurs de la semaine, en terminant les joueurs de la semaine, du côté offensif. C'est-tu encore les joueurs de la semaine Pizzeria? Non, c'est dans la Ligue canadienne. Ah oui, OK, excuse-moi. Donc, le joueur offensif de la semaine, Yann Stransky des Mousses d'Halifax, qui est justement un ancien joueur des Olympiques de Gatineau, qui a été échangé au fait, et le joueur défensif, Maxime Clermont, des Olympiques de Gatineau. Qui est celui qui est venu battre les Cataractes vendredi soir. C'est en plein ça. Donc, c'est ce qui termine les nouvelles de la LHJMQ. Ben merci beaucoup, Pierre-Luc. Donc, on va maintenant à la musique. Grimmskunk, je suis comatose. Un petit retour dans le passé. Au retour de la pause, on reçoit Maxime Laramie, Nicolas Cahouette des Patriotes. On affronte Concordia ce soir, donc on va en parler et beaucoup plus. Vous écoutez les conduites de partie sur les zones de C'est fou. Donc, Grimmskunk, comatose sur les ondes de C'est fou. Vous écoutez l'inconduite de partie. On reçoit maintenant en studio Nicolas Cahouette, Maxime Laramie, des Patriotes. Ça va bien, gars? Ben oui, vous autres. Ben oui, certain. Ça va très bien. On va aller tout de suite au fait. Grosse partie ce soir contre Concordia. Ça va bien? On s'attend de quoi de bon contre eux autres? Ou? Ouais, Concordia joue bien. Je pense qu'ils sont en deuxième position ou en troisième. En tout cas, ils luttent. Ils sont pour en deuxième, okay, en arrière de vous, ouais. En avant de Ravens, de Carlton. Donc, c'est ça. Ils ont quand même une bonne saison. Puis, ça risque d'être... d'être surélevé là, ce soir. Surélevé? Ouais. C'est ton vocabulaire. T'étudies en quoi, toi, déjà? Moi, j'étudie en études françaises. OK, OK. C'est correct. Faut pas trop y en demander. Hein. Donc, pour un match surélevé ce soir, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des morceaux de bois plus haut sur la patinoire. Ça va être très surélevé. Ah, c'est pas fou. Est-ce que je me fais niaiser? Non. Sommes-nous en onde? On rit ensemble, okay. Pas juste de toi, ensemble. Donc, Concordia ce soir, je regardais ça un peu au niveau des classements. Bon, on s'entend que dans la conférence, il y a vous autres qui êtes en haut. Puis le reste, McGill, Concordia, Carlton, c'est quand même serré. Là. Donc, on s'attend un peu à... est-ce que ces équipes-là peuvent vraiment venir vous rivaliser? Ou vraiment, je pense que, puis on le veut à date, Trois-Rivières vraiment une coche en haut de tout le monde là, cette année. Là. Sans tomber dans la confiance, là, parce que je pense pas qu'il faut jamais s'endormir sur une partie. Non, là, ça mais... c'est sûr, mais je pense pas. À moins qu'il arrive quelque chose d'exceptionnel, là, on devrait finir premier, mais tant ouais, que non, c'est pas acquis... Pour ce qui est du classement, je pense que c'est presque assuré que vous finissez premier. Ouais. C'est à savoir, c'est en série éliminatoire, ces équipes-là pourraient causer une surprise en vous battant. Ah, définitivement. Ouais, là, ouais on c'est quand même pas sur... des clubs à... Non. Ben, l'an passé contre McGill, c'est un peu ça qui est arrivé en série. Ouais, ça fait jouer un tour. Puis, non, mais on a joué contre ces équipes-là cette année, puis on n'a pas vraiment déclassé personne, peut-être à part une partie, mais c'est tellement serré dans les séries. Puis, quand c'est un 2-3, n'importe quoi peut arriver, puis on ne sait jamais. Ouais. Là, OK, c'est un, ça oui, c'est vrai, c'est un 2-3. C'est juste un 2-3. Hein. Ouais, ça va vite, là, 2-3. Là, t'en échappes une, puis comme on dit, t'as le dos acculé au mur. Ouais, voilà. Et voilà, donc tu vois, c'est un beau mot, Max. Ouais. Donc, comment? Il est marqué sur la feuille, un acculé, comment t'as dit acculé? Avec un A, s'il vous plaît. Donc, depuis le retour des... Vous avez joué trois parties depuis le retour des fights. Je regardais un peu ce qu'on appelle les résultats, les sommaires, tout ça. Peut-être un petit peu en deçà des attentes comme performance en fin de semaine contre j'ai un blanc, là, voyons, UIT, University of Ontario Institute of Technology, puis York. Sais-tu qu'on a mangé un petit peu trop de dinde pendant les fights? Sais-tu Non, je pense pas. Je pense que les équipes nous attendent de pied ferme. Puis peut-être qu'aussi on n'impose pas notre rythme de jeu comme on devrait le faire. On laisse trop les autres équipes prendre leur momentum, okay. Puis nous on s'ajuste, puis ça peut nous jouer des tours, mais non, je pense pas qu'on a mal joué, sauf que les autres équipes nous attendent, là, ils savent qui sont les premiers marqueurs, ils savent qu'on a des bons gardiens, fait que ils se sont préparés, t'sais. ouais, puis là, fait que ce que ça prend, c'est vraiment plus de d'y aller de l'avant, là, dans le fond, là, au niveau de vraiment d'imposer un rythme de jeu. Là, c'est exact. Ça? OK. Puis là, c'est quoi? C'est une question de pratique un petit peu. Là. Comme je dis, le retour du temps des fêtes, c'est de retrouver un peu de cohésion entre coéquipiers. Oui, c'est sûr, mais tout le monde pourrait avoir la même excuse. Fait que ouais. C'est difficile. Je pense qu'on n'a pas joué nécessairement notre meilleur hockey sans... comme on est capable, mais je pense qu'on va augmenter ça là, au fil des semaines, là, puis avec les pratiques, les entraînements, là, la cohésion va revenir. Là. Au moins, on a trouvé le moyen d'aller chercher 2 points. C'est ça l'important. C'est ça le plus important. Une équipe qui apprend comment gagner, une équipe qui sait gagner, va être meilleure qu'une équipe qui joue très bien, mais qui ne sait pas comment... C'est sorti clutch, comme on appelle, là, en fin de match, tout ça, quand c'est important de faire le fameux but. Donc, au moins, les Patriotes ont ça. C'est déjà ça. Match de ce soir, on a parlé un peu. Gros joueur surveillé chez Concordia, Nicolas Daou. Je pense qu'ils ont un bon gardien aussi en Maxime Joyal. Gardien chez Patriotes, on l'a vu en fin de semaine. Grosse performance de la part de Michael Dupont. Jean-Christophe Blanchard qui ne dirige pas non plus. Très bonne profondeur chez les gardiens. Bonne profondeur chez les défenseurs. Nicolas, toi, t'es sur le deuxième trio, si je me trompe pas. Deux, ça dépend. Ouais, ça dépend. Ça dépend des parties, là. C'est entre toi et Francis Charland, si je me trompe pas. Non, ouais, pas vraiment. Okay, ça dépend. Il y a des blessures. Okay. Il arrive des choses durant la partie. Je dirais que je bouge beaucoup. OK. Là. OK. Puis toi, tu es un petit peu agitateur, là, ce qu'on m'a dit. Ben, brasse un peu. Peut-être moins après les fêtes. Là. OK, parce que... Ben non, mais c'est correct. Ouais, non, c'est correct. Il n'y a rien de mal à ça. Là, c'est arrivé une fois, bon. Puis j'avais l'entrevue le lendemain. Ouais, c'est ça. C'était un concours de circonstances. C'est ça, c'était un accident bien malencontreux. Ouais. Hein. Ouais, disons que je déteste pas ça, mais non, je pense pas que... Si tu demandais aux autres joueurs des autres équipes, je pense pas qu'ils mettraient sur le liste. En tant que tel. Non, non, je pense pas. Sur la blacklist? Non, je suis pas là-dessus. Non, okay, je suis la liste rose. Ah ouais? Ouais. Ça représente quoi, ça, pour une autre équipe, une liste rose? Je suis gentil. Vous faites des cajoles au face-off? Ou, Je leur souris. OK, OK. Ouais, c'est juste ça. Donc, c'est ça, on parlait de profondeur, on vient de parler des blessures. Vous avez perdu un pilier un peu en fin de semaine, Jean-Sébastien Breton, qui... blessure à l'épaule. On a-tu des informations là-dessus sur ce qui se passe avec lui? Pas tant que ça. Hein? Ben oui, justement, j'y ai parlé hier. OK. Peut-être deux semaines. OK. C'est il pourrait être de retour la semaine prochaine. Je pense pas qu'il va jouer en fin de semaine, mais peut-être qu'il serait là la semaine prochaine. On est-tu plus ciblé au niveau de la blessure ou c'est juste une... À l'épaule. Ouais, à l'épaule, mais pas, pas blessure en haut du corps. J'ai pas eu le diagnostic encore. OK, pour rencontrer le médecin. Je pense que c'est un ligament qui dirait tiré. OK. Fait qu'on va y aller pour une blessure au haut du corps, plus précisément. Ouais, c'est à ça. Ouais, c'est ça. Tu dirais ça aujourd'hui. Je vais dire ça. Ouais, c'est ça. Une blessure au corps, comme on a dit dans la nationale. On sait jamais si Concordia nous écoute. Là, ouais, c'est ça. Mais non, il parle anglais. Ah, ouais, c'est non. Non, je connais quelques joueurs, un des, entre autres, le gardien à Concordia, qui est justement, tu sais, t'as plusieurs les programmes à Montréal, même, ont de plus en plus de joueurs francophones aussi, quand on parle au Redmond de McGill aussi, qui est un des meilleurs joueurs, Francis Véropol, ça sonne pas très anglophone. Francis Véropol, un ancien des Saguenay Chicoutimi. Ouais, qui avait fait la pluie et le beau temps au centre Georges Vizina. Oui, Georges Vizina. Et au Colisée Pepsi aussi. Oui. Ben, ça, c'est toi qui le dis, là, s'il a fait la pluie et le beau temps, là. Viens-tu du lac Saint-Jean? Non, il est Québec. C'est pour ça que des fois, quand il parle, il s'emporte sur les remparts, okay. Puis comme quoi c'est l'équipe des dieux. Puis, non. Tout ça. Donc, c'est ça. On va en parler un petit peu. La GE, cette semaine, avec l'UQTR, ont annoncé qu'elle allait avoir des bourses maintenant pour les joueurs. On en a parlé un petit peu dans les actualités. Je vais juste résumer pour les gens qui se joignent à nous. Donc, chaque étudiant, lors de l'inscription, va pouvoir mettre de façon volontaire. J'imagine que j'ose espérer qu'il y en a. Tu sais, que ça va être comme un peu ce qu'on appelle les frais d'assurance, puis qu'on a, qu'il faut que tu le cancelles. Parce que si c'est nous-mêmes qu'il faut le mettre, tu sais, on sait comment c'est des étudiants, hein, tu sais, on se connaît, là. Il y en a la moitié qui feront pas juste l'effort. Donc, au moins, si c'est mis automatiquement dessus, puis il faut le canceller, je me dis, j'ose espérer qu'il n'y a pas personne qui va y canceller. Donc, ce que ça va faire, c'est que chaque étudiant va donner 3$. L'UQTR va égaler ce montant, ou du moins va égaler jusqu'à un montant minimum de 15 000$, maximum 50 000$. Ce montant-là, 3$, va permettre à tout étudiant d'assister à toutes les parties des Patriotes gratuitement. Et surtout, pour vous les gars, les athlètes, ça va vous permettre d'aller chercher des bourses, qui va être très important parce que c'est quoi un peu la vie d'un un joueur étudiant? Je pense pas que vous avez des emplois, là. C'est pas possible d'avoir des emplois en l'été, j'imagine que oui, là, un petit peu plus. Ouais. OK. En plus d'entraînement puis tout ça. Puis, tu sais, faut être en forme de match, là, ça se dit mal. Là. En bonne condition physique. Ouais, en bonne condition physique. Merci. J'avais juste game shape dans la tête comme. C'est pas grave, comme on dit, avec un gars qui est en études françaises, on peut pas se permettre d'aller chercher. C'est ça, on s'y limite. Attention. Donc, c'est ça, comme on dit. Au niveau coût, là, qu'est-ce que vous avez un petit peu défrayé par l'équipe par rapport, tu sais, qu'est-ce que l'équipe fournit un petit peu par vous? Qu'est-ce que les Patriotes vous fournit? Puis vous, qu'est-ce qu'il faut que vous mettiez de votre côté au niveau des frais d'études, tout ça? Ça ressemble à quoi un petit peu? Ben, dans le fond, certains d'entre nous ont une bourse. C'est les commanditaires, tu sais, c'est les commanditaires qui nous donnent ces bourses-là. On fait un salon des vins, on a des commanditaires comme Desjardins, puis plusieurs autres, qui nous donnent l'argent, qui vont aux Patriotes hockey seulement. Puis avec ça, il y a à peu près 18 bourses qu'on disait dans l'équipe. On est 24 joueurs, donc ça veut dire qu'il y a 6 joueurs qui n'ont pas accès à ces bourses-là. C'est sûr que nous, pendant l'année scolaire, on n'a pas le temps de travailler, là. On peut pas, même un employeur, là, pourrait pas vraiment nous engager parce qu'on n'a pas de disponibilité fixe en tant que tel. Donc, c'est sûr qu'on peut... Oui, OK, certains d'entre nous ont les études payées, Sauf qu'il y a l'appartement là-dedans, il y a la nourriture, puis ça, c'est vraiment de nos poches. C'est l'argent ouais. qu'on fait pendant l'été. Il ouais, faut faire attention. Il y en a qui pensent qu'on a les appartements, les... tout ce qui vient avec de payer, là, c'est seulement les frais de scolarité. Même nos livres, c'est nous qui les payons de notre propre poche. Puis, vous disiez tantôt que 18 des 24 joueurs avaient droit à une bourse. Qu'est-ce qui détermine vraiment qui a droit aux bourses et qui n'a pas droit? Ben, ça va selon aussi les résultats académiques. Mm-hmm. On okay. doit avoir un certain pourcentage de réussite. Donc, je pense que, par exemple, c'est rendu 2,7. Ouais. Première année, c'est 2,7. Puis nous autres, pour les plus vieux, on était dans l'ancien système, c'était 2,3 de moyenne. Mm-hmm. Okay. Donc, automatiquement, si tu es en bas de ta moyenne, tu n'as pas accès à ta bourse. Oh boy. Donc, ça va vraiment deux. Avec les résultats académiques, ça va pas avec le type de programme, ça va pas... Non, c'est tous les programmes okay. qui ouais. sont ensemble. Par exemple, bon. Sur Nicolas Desilets, qui est en chiropratique, lui, il a 10 cours, il pourrait peut-être se permettre d'en échouer deux. Mais il doit avoir, pareil, la moyenne s'il va avoir accès à sa bourse. OK, OK, OK. Puis, tu sais, 2,7, c'est pas quelque chose que tu as facilement, là, non, non plus. Non, faut que tu travailles. Donc, là, c'est ça, on vise la réussite académique comme sportive chez l'UQTR. Oui. Mm-hmm. Parce que je me suis informé à un de mes amis, William Lacasse, qui joue à Buffalo State aux États-Unis. Mm-hmm. Là, ici, comme on dit, vous avez votre appartement, la nourriture, tout ouais. ça, les études payées. Lui, aux États-Unis, c'est le contraire, c'est loger nourri. Mais il doit payer les frais d'études qui sont, écoute, c'est des chiffres approximatifs, là, mais entre 10 et 12 000 $ environ. Okay. Là. Ça se donne pas, veux, veux pas. Toi, Nick, tu as joué aux États-Unis, ouais. ça ressemblait-tu à ça un peu? Ou? C'était pas mal plus cher que ça. C'était pas mal plus cher que ça? Ouais. Toi, dans New England, moi, c'était plus... ben, la façon que ça fonctionne, c'est que j'habitais sur un campus. Donc, les frais de scolarité, le inclus, campus, il était inclus, puis le système de la cafétéria et tout. Okay. Donc, c'était un montant global... Mais je pense que les universités fonctionnent différemment. Ouais, c'est ça qui arrive. Ouais. Qu'on peut pas mettre un barème là, de. Ben, c'est ça, mais je dis quand même l'aide, en plus de ces bourses-là, ouais. Pour l'UQTR, c'est quand même un aide qui va être appréciable. Mm-hmm. Par contre, ça va aller, là, parce que, comme vous disiez, Desjardins, tout ça qui vous commandite, c'est le hockey. Ouais. Je sais pas au niveau du soccer ou. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le système qu'ils ont implanté la semaine passée, là, qu'ils ont, mm-hmm. Qu'ils ont parlé, c'est pas seulement pour Patriot Hockey, non, mais c'est tous les sports. Des fois, il y en a qui pourraient penser que c'est juste le hockey qui va en bénéficier. C'est faux. C'est tout le monde, tous ceux qui font du sport pour les Patriotes UQTR. Donc, exemple, soccer, golf, natation. Puis les fonds, ben, les bourses vont être réparties de façon équitable. C'est bon, ça. Donc, tout le monde va pouvoir en bénéficier. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça va être plus facile pour les coachs d'aller chercher d'autres joueurs. Parce qu'ils peuvent attirer avec des bourses. Donc, on peut aller chercher des meilleures personnes, puis en plus, ça va donner plus d'énergie aux équipes, puis plus de profondeur. Donc, c'est une roue qui s'enchaîne. Puis je pense que c'est un excellent pas dans la bonne direction là, pour... Parce que je sais que ça se fait à Sherbrooke. J'étais allé à l'Université de Sherbrooke, puis ça se fait à Sherbrooke, ce programme-là. Puis justement, tu viens de dire qu'au des recrutements de personnel, c'est vraiment un atout. Parce ouais. que l'UQTR n'a pas tout le temps la réputation d'être la plus grosse université sportive, là, à part pour le hockey, où est-ce que ouais, c'est ça. On est en haut tout le hockey, monde. Là, ça, il n'y a vraiment pas de doute. Mais je pense que ça dépend aussi de certains. Il y en a qui vont avoir des hauts, des bas. Je pense que natation, c'est bien aussi. Soccer féminin, ça a l'air à s'améliorer. Ça va être une pente montante. Donc, comme on dit au niveau recrutement, tout ce qu'on peut faire pour aider vraiment les athlètes, c'est ça qui est le plus important. Mm-hmm. Au niveau de l'université comme au niveau des étudiants, tu vas tout le temps en avoir qui vont chialer, mais ça, personnellement, 3 piastres, là, on s'entend-tu que quelqu'un qui chiale pour ça, là, il est peut-être dû pour apprendre, trouver une autre vie. Vous avez juste à prendre une bière de moins à chaque fois. Oui, c'est ça, une bière de moins à chaque fois. Oui, oui, oui. Dans toute la socio. Fait que, je sais pas, là, mais 3 piastres, c'est ridicule. Là. Mm. Puis quand ça va à bonne cause, au moins. C'est ça qui est important. Allez, les gars, donc comme on a dit tantôt, partez s'asseoir. On va vous souhaiter bonne chance pour ça. Merci. Merci. Est-ce que vous attendez à avoir beaucoup de monde ce soir? On espère. Ouais, je pense que... Une partie du mercredi. Quand même, là, une bonne foule. Là. Dernière fois, il y avait 400-500 personnes. Monsieur Ducharme, allez-vous être là? Oui, Nicolas Ducharme va être sur la... Oh, je parle-tu de moi à troisième personne? Oh, attention. Oh boy! oui, je vais être là. Je vais être je vais être à la galerie de presse, comme d'habitude. Puis je vais aller vous voir après la partie, avoir vos commentaires. Dans la chambre après avec ça, les filles qui nous écoutent là, une chambre de joueurs de hockey là, écoute, bon, on va y aller. Vous seriez contentes là, parce que non, c'est pas vrai. Si tu veux, on te présentera Jonathan Boutin. Je sais pas. Quoi? Ouais, il est vraiment intéressant. trois petits points. Ah, je sais pas, comment dire, je ne mange pas de ce pain, mais il dit cette expression là aussi. Donc on va closer, les gars. Je vous remercie beaucoup. Merci, pour vous encore. Yes, avant que ça dégénère un peu trop, on va passer à la partie calendrier. Wow, que je m'attendais pas à une fin d'entrevue comme ça. Moi, merci les gars. Là. J'ai perdu ma concentration, j'ai perdu mon calendrier. Et voilà, c'est venu pour pas en tout. Les Patriotes seront en... Je suis désolé. Pierre-Luc, qu'est-ce qui va se passer au Hockey Junior fin de semaine? Dans le Hockey Junior cette semaine, donc les gros matchs à surveiller. Donc les Tigres de Victoriaville qui s'en vont à l'amphithéâtre de Shawinigan jeudi soir à 19h. Les Chats et les Cataractes retourneront au Colisée des Jardins vendredi à 20h. Pour ce qui est des Voltigeurs, on reçoit la visite du Junior de Montréal jeudi à 19h30 et on reçoit la visite des Tigres ce dimanche à 19h. Est-ce que ta concentration est revenue? Ma concentration et ma feuille est revenue. Donc, comme on disait ce soir, Patriote Concordia. Vendredi soir, Patriote contre l'Université Les GGs d'Ottawa, 19h30 ici même au Colisée de Trois-Rivières. Soccer intérieur, c'est vendredi aussi. Les filles vont affronter Bishop à Sherbrooke. Natation, c'est la Coupe universitaire à l'Université Laval, donc bonne chance aux gars et aux filles de natation. Et soccer intérieur masculin, au match spécial ce dimanche, les Patriotes vont affronter l'Attaque de Trois-Rivières, donc le club école de l'Impact de Montréal, au Centre Alphonse Desjardins dans une partie hors concours. Et c'est ce qui conclut l'inconduite de partie. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là cette semaine. Pour Pierre-Luc Giroux, Nicolas Duchamp, n'hésitez pas, www.inconduitedepartie.com. On se laisse en musique avec la chanson « Alerte aux morts vivants » du Martin Leduc Ben. Bonne semaine tout le monde. À la prochaine. Attention, alerte aux morts vivants, et plus que jamais ils sont vivants. Ils courent les rues, les cafés, les bancs, tous les yeux, pas le choix de les voir. Ils te touchent et te transforment pour vivre en couche avec des normes. Fâche et puis où que c'est pas permis, c'est criminel, oui, oui, ben oui. Oh oui, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. On sait quatre murs bien encastrés d'appareils qui font tout pour toi. Tu travailles plus pour t'es payé, mais c'est supposé t'en poser. De là tu regardes l'extérieur en te cherchant un mal de cœur. Rivé sur ta chaîne météo, qui sert à quoi, c'est toujours bon.